بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في سؤال الرابع بعد المئتين. 204 question. سؤال الشيخ رحمه الله تعالى عن قول بعض الناس: إذا شاهد من أسرف على نفسه بالذنوب يقول فلان بعيد عن الهداية أو عن الجنة أو عن مغفرة الله، فما حكم ذلك؟ Donc le chien est interrogé à propos de cette personne qui, lorsqu'il voit une personne faire trop de péchés à outrance, ils disent un tel est loin de la guidée, un tel est loin du Jannah et un tel est loin du pardon d'Allah. Donc qu'en est-il de dire cela ? فأجاب رحمه الله تعالى هذا لا يجوز لأنه من باب التألي على الله عز وجل. Donc il a dit cela n'est pas permis car cela revient justement à comment dirais-je à devancer Allah subhanahu wa ta'ala dans ses jugements. وقد ثبت في الصحيح أن رجلا كان مشرفا على نفسه وكان يمر به رجل آخر فيقول والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألي علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأخبطت عملك. Car dans les hadiths authentiques était rapporté qu'un homme faisait beaucoup de péchés et un autre qui lui était en apparence pieuse est passé devant lui et en fait c'est une chose qui s'est répétée plusieurs fois, qu'il avait déjà eu plusieurs fois faire des péchés et à chaque fois il faisait les rappels et l'autre n'écoutait pas, et un jour il lui a dit je jure par Allah qu'Allah ne pardonnera pas à un tel, et Allah il a dit qui donc est celui qui me devance ou alors qui veut, dans le sens juger ma place, que je ne pardonnerai pas à un tel, je lui ai déjà pardonné, quant à toi j'ai annulé toutes tes œuvres, c'est-à-dire annuler les œuvres de celui qui se disait pieux et qui a dit de l'autre qui faisait des péchés que Allah ne pardonnerait pas. ولا يجوز للإنسان أن يستعبد أو يستبعد عفوا رحمة الله عز وجل. كم من إنسان قد بلغ الكفر مبلغا عظيما ثم هداه الله فصار من الأئمة الذين يهدون بأمر الله عز وجل. Donc il a dit n'est pas permis justement de prétendre qu'une personne est loin du pardon d'Allah, de sa rahma. Comme la personne était loin dans le kufr à un niveau incroyable et par la suite Allah les a guidés, ils sont devenus parmi les guides, d'accord, parmi des guides, des imams pour la Ummah, et eux-mêmes qui sont accrochés à la religion d'Allah. Naam. Un grand exemple par exemple les Sahaba, avant que ne vienne la révélation, combien d'entre eux étaient dans le shirk? Tous l'étaient. Je parle de ceux qui étaient déjà adultes ou quoi, et pourtant regardez les qui sont devenus les meilleurs des hommes. Les meilleurs des hommes. D'accord ? Certains commettaient des choses dans la jahiliya, mais ils ne savaient pas. Et lorsque la révélation leur est venue, ils ont accepté, hein, et se sont mis sur la droiture. Et jusqu'à l'époque, jusqu'à nos jours, des gens étaient loin, très loin de l'islam. Et lorsqu'ils ont entendu parler de l'islam, ils ont accepté, se sont arrangés. Ils sont devenus parmi les meilleurs des hommes. Et d'autres gens qui étaient, eux, de loin dans les péchés, qui ont fait un vrai repentir et qui sont revenus sur la droiture. Non. Et plein de hadiths prouvent cela. Plein de hadiths prouvent cela. Et il dit والواجب على من قال ذلك أن يتوب إلى الله حيث يندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود في المستقبل. Et ce qui est obligatoire pour une personne qui agit de la sorte, c'est qu'il se repente du fait qu'il regrette ce qu'il a fait et qu'il soit déterminé à ne pas recommencer dans le futur. C'est-à-dire, il cesse sur le champ, il regrette ce qu'il a fait et décide de ne pas recommencer à l'avenir. نعم ثم قال في السؤال الخامس بعد مئتين سؤال الشيخ عن هذا القول أحبائي في رسول الله. Donc il a été interrogé pour de quelqu'un qui dirait les gens que j'aime en le messager d'Allah, c'est-à-dire mon amour pour eux est placé par rapport au messager d'Allah صلى الله عليه وسلم. فأجاب فضيلته قائلا هذا القول وإن كان صاحبه فيما يظهر يريد معنى صحيحا يعني أجتمع أنا وإياكم في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا التعبير خلاف ما جاء به السنة. Donc il a dit cette parole là bien que la personne qui la prononce dans l'apparent veut un sens authentique, un sens qui est correct, c'est-à-dire que je me réunis moi ainsi que vous sur l'amour du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire l'amour de la sunna. Cependant la vraie formule qui est venue dans la sunna n'est pas celle-ci. فإن الحديث من أحب في الله وبغض في الله. Dans le hadith, c'est celui qui aime Allah, qui déteste Allah. D'accord ? C'est ça qui est venu dans la sunna. فالذي ينبغي أن يقول أحبائي في الله عز وجل. ولأن هذا القول الذي يقوله في عدول عما كان يقول السلف. Donc ce qu'il faut dire, c'est les gens que j'aime en Allah, Azza wa Jal. Car le fait de dire d'aimer en le messager, sallallahu alayhi wa sallam, cela, justement, sort de la voix des salafs. عَمَّا كَنْ يَقُولُونَ وَلَيْنَهُ رَبَّمَا يُوجِبُ الْغُلُو فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَالْغَفْلَ عَنِ اللَّهِ وَالْمَعْرُوفُ عَنْ عُلَمَائِنَا وَعَنْ أَهْلِ الْخَيْرِ هُوَ أَنْ يَقُولُ أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ. Et donc cela peut également ouvrir une porte vers l'exagération sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'inattention, devenir inattentif du rappel d'Allah. Ça veut dire que tu fais passer l'amour d'Allah avant celui d'Allah, tu fais passer l'amour pour le messager sallallahu alayhi wa sallam avant celui d'Allah. Et ce qui est connu chez le savant et les gens de la droiture, c'est qu'ils disent qu'on aime en Allah. C'est là-dessus que les preuves sont venues. Non. Ça m'a qualifié souvel et sabia bardamiyatayn. سئل الشيخ رحمه الله تعالى هل هناك دليل من السنة على أن يكبر الإنسان بين السورتين؟ Donc il est interrogé, est-ce qu'il y a une preuve qui dit qu'il faut faire le takbir, le fait de dire Allahu Akbar entre chaque sourate du Coran. Quand tu lis le Coran, tu as fini une sourate, tu dis Allahu Akbar, après tu dis une sourate, ainsi de suite. فأجاب رحمه الله تعالى ليس هناك دليل من السنة على مشروعية التكبير بين السورتين. Donc il a dit il n'y a aucune preuve dans la sunna qui soit légiférée de faire cela. إلا أن بعض القراء استحب أن يكبر بين سورتين من سورة الدحى إلى آخر القرآن. فقال إذا قلت وما بنعمة ربك فحدث فقل الله أكبر وإذا قلت ولربك فارغب فقل الله أكبر وكذا إلى آخر القرآن. Donc il a dit, donc cela n'est pas une chose qui est légiférée. Cependant, certains parmi les grands récitateurs du Coran, eux, ont vu un côté préférable dans cela. Mais à un moment particulier, qui est à partir de Surat al-Duha. Surat al-Duha, seulement. D'accord ? Duha, qui est dans Juz Amma, qui est dans le dernier verset, dans le sens où Allah dit, et quant au bienfait de ton Seigneur, alors proclame-les. À ce moment-là, tu dis Allahu Akbar. Et lorsque tu as fait une Duha, c'est quelle surat qui vient après ? Al-Sharh. Et donc le dernier verset, c'est « Wa'ili Rabbika Farab ». Et de là, également, tu dis Allahu Akbar. Donc chaque surat, depuis Duha jusqu'à la fin de Juz Amma, tu dis Allahu Akbar après chaque sourate selon ses gens, selon ses récitateurs, ils voient que cela est préférable. والصحيح أن هذا ليس بسنة لا بعد الدحى إلى آخر القرآن ولا من قبل ذلك. Et ce qui est authentique, c'est que cela n'est pas une sunna, ni après le Duha jusqu'à la fin du Coran, et ni ce qui est avant le Duha, car il n'y a aucune preuve venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ait fait cela. نعم هذا الذي خلنا اليوم من هذه الأسئلة الثلاثة والحمد لله رب العالمين.